comment se laisser porter dans ce mode de vie, espérer grandir du tout petit jusqu'à la mort avec seul quand tu pleures le son qui t'endort. Comment se laisser porter dans ce mode de vie, des vécus, des danneries, je fuis, j'ai dit, et pas forever. Je suis garé pour me laisser porter, c'est pas que je suis trop basal ni paresseux, mais pour ça c'est pas mon mieux. À chaque respire de bêtises, de ceux qui disent ça va finir par une hantise, tes valeurs se brisent. Peur d'être jugé, peur d'être emprisonné, de recevoir cette prise de méchanceté. Pourquoi pas s'assumer au lieu de prendre des taux, tour à court, de cours à court. Puis je respire dans le jour et me suffit dans la nuit, pour mieux reprendre mes énergies. Une chose à la fois, c'est dit d'un homme de bravo. Si tu crois que t'es là pour la vie, termine sur le bon parcours. Un jour ce sera à toi le bonheur de vieux jours. Pourquoi resterai-je avec des gens qui te font frémir lentement avec un vif de plaisir? J'aime autant mûrir que rester là à fuir tous mes soupirs. Dans cette bizarre d'empire, je trouve ça encore plus pire de voir le monde qui t'agresse. Souci perplexe de voir tout le monde sans stress, crier par détresse. Check le fesse de flex, qui se force plus fort que la peste. C'est rendu test de celui qui a le meilleur contest. Parfois ça blesse plus qu'un psychopathe en manque de fesses. Plus qu'un psychopathe en manque de fesses. Comment se laisser porter dans ce mode de vie, espérer grandir du tout petit jusqu'à la mort avec ce quand tu pleures le son qui t'endort. Comment se laisser porter dans ce mode de vie, de vécu et d'annerie, je fuis, je dis hip hop forever. Ce que je donnerais pour me sentir en état d'apaisanteur, quitter l'atmosphère sans question, pour pas me créer une folleur suivie d'action. Vous savez, l'être que tu es, que je suis, tout comme une plaie donne mal à ton cœur. Sensible aux effets, l'environnement partant pour une guérison, mais en cas d'abandon ou danger dans pas long, le champ de prédiction où je dirais pas non, même en dans ma tombe ou même les larmes qui tombent dans une dépression. Tu nommes pas ton nom, tu garderais dans ton nombril, car tu sais que c'est pas sur ta mentalité que tu t'appuies toujours à la merci. T'as de quoi dire merci, où tu vis ou si tu t'enfuis. Fuck la garantie, pis si jamais ça serait dingue, plein de mangeurs d'esprit qui se prennent à manger des petits bris, comme mes amis et ennemis, comme cela brille le top nerd mondial de la technologie. Mais comment se laisser porter, sans rater à la table, qu'ils subissent d'heurter les acceptables qui se nourrissent et les envahisseurs. Il faut faire stop pour qu'ils faiblissent. Alors les valeurs à mettre dans ton cœur sera une belle maison super. Je voudrais me laisser porter au-dessus de l'atmosphère, loin des millions de gens qui sont en désespoir. Lorsque je suis assis sur mon perchoir, pas d'idée à mettre avec ampleur à la sueur de mon front. Je veux un monde blanc comme un nuage, tout comme la soie, non détruit par la rage. Le parfait n'existe pas, même s'il serait, je ne le suis pas. Au moins d'être en avant et d'ouvrir grand la bouche. Comment se laisser porter dans ce mode de vie, espérer grandir du tout petit jusqu'à la mort avec ce quand tu pleures le son qui t'endort. Comment se laisser porter dans ce mode de vie, de vécu et d'annerie, je fuis, je dis hip hop forever. Sensible au débit, la façon de dire ce qu'on dit, le hip-hop où je suis, c'est courant, c'est toute ma vie, c'est ainsi qu'on réussit, persistant aux résolutions, je juge de cette façon, nous serons convaincants. Pourquoi juger au parlement des gens, tant qu'à juger, je vais me juger soigneusement, constamment on dépend, mais tournant, j'attaquais pas toujours de l'avant, avant je pensais qu'à tes flancs, c'est ce qui me rend, pas surprenant, on reste de l'avant, pas surprenant, on reste de l'avant. L'adrénaline monte, la frustration me surmonte. À tous ceux qui veulent tomber, nous affrontons. Bon, empirical, affrontement verbal. C'est fâchant d'entendre les gens dire qu'on est banal. Vous savez, on met du temps, on met de la voix, on met de l'effort. Quand ça sort, pourquoi c'est fort? Pis sans rancune, aux êtres humains dont je leur fais tomber des plumes, ce n'était pas voulu. Le temps m'a résolu, le faussement m'ont parlé, le faussement m'ont agi. J'suis presque messie, c'est juste que je veux dire merci à tous ceux qui m'écoutent. Parce que oui, encore, mon âme peut être à la merci. Mon âme peut être à la merci. On sait tout que nos âmes sont à la merci. Bon, on fait des mauvais coups, on prend tout sans jamais dire.